base des Mohicans. Bonjour, il est midi sur Radio Campus, ce samedi 18 janvier, et vous écoutez Angle d'attaque. J'étais petit, on habitait une grande maison, avec des arbres et des prés pour tout horizon, des tilleuls dans la... Voilà, Germain n'est pas là aujourd'hui, c'est Stéphane qui remplace, merci Stéphane. Mais René, Benjamin, Florent et Christian sont là pour Angle d'attaque, l'émission Attaque Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Avant tout, c'est la coutume, à chacune et à chacun, nous présentons nos meilleurs vœux pour l'année 2014. Raison et conviction, voilà ce qui doit nous animer. Aujourd'hui, 18 janvier, nous recevons Jean Gadret, économiste qu'on ne présente plus, président d'Attaque Villeneuve-d'Ascq et auteur de nombreux articles dans Politis, Le Monde Diplomatique et bien d'autres revues. Jean Gadret est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, je pense particulièrement à Adieu à la croissance et au plus ancien Les nouveaux indicateurs de richesse en collaboration avec Florence Génicatrice, ouvrages toujours d'actualité qui sont régulièrement référencés par nombre d'auteurs. On en reparlera d'ailleurs dans nos lectures. Jean Gadret ne se contente pas de critiquer, il propose des solutions pour sortir du modèle économique ambiant du néolibéralisme. Je ne serais pas complet si je ne parlais pas de son blog sur le site d'Alternative Économique, blog quasi tenu au jour le jour pour commenter et discuter en profondeur l'actualité. Ça, c'était pour ne pas présenter Jean Gadret. Bonjour Jean. Bonjour. Jean, tu nous fais l'amitié de venir en voisin pour nous parler de ce qui se prépare au niveau européen et qui nous préoccupe bien à Attaque et ailleurs. J'espère qu'on n'est pas les seuls sur ce truc-là. Je veux parler de l'accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis qui est en préparation. Et d'ailleurs, on va certainement y revenir en toute discrétion. En toute discrétion. Tes interlocuteurs seront Benjamin et René, et peut-être même moi, mais Florence s'il le veut. Mais avant cela, René Lascience va nous dire l'actualité de notre association, actualité internationale, nationale et bien sûr locale. Jean, tu interviendras quand tu veux, mais pour l'instant, on fait une pause musicale. Ça fait pas mal d'hier qu'on attend des demain. Ça fait pas mal de temps quand on regarde en arrière. Qui nous promettent la lune, les experts, les malins, tous les fins, les finaux qui dirigent la terre. La mondialisation, la globalisation, là qu'on n'entend plus que ça, jusque dans notre village. Ça devait faire débarquer le bonheur dans nos maisons, après juste quelques sursauts, quelques réglages. Eh bien, on va rien venir avec Marcel et Roger, l'un qui était cadre et l'autre petit paysan moyen, qu'on a restructuré, fusionné, redéployé, et qui se retrouvent égaux maintenant qu'ils sont plus rien. Marcel dit que sûrement là on est mal placé, qu'ailleurs il y a du soleil, des gens heureux qui rient. Mais oui, il a vu ça l'autre jour à la télé, mais pourquoi ils ont fermé l'école et l'épicerie? Il dit que c'est dérisoire ce qui arrive dans un patelin, Marcel, qu'il faut tout voir à l'échelle planétaire, et qu'il y a des pays où les exclus vont bien, où les mecs sous-payés, ils ont la pêche d'enfer, où le quart-monde y bord la vie à belles dents. Comment ? Il a plus de dents, c'est ce que je pensais, c'est clair. Marcel y pète les plombs, puis qu'il a plus ses champs, et qu'on a transformé ses vaches en hamburgers. Roger dit plus rien, ça fait 10 ans qu'il chôme, qu'il suit des séminaires, des formations, des stages. À poursuivre du vent, il ressemble à un fantôme, à poney chez Picrat qui fait 10 fois son âge. C'est que du pipeau tout ça, montrez-moi l'embellie. Les rares rangs du travail doivent se tuer au boulot. D'accord, ils ont des portables web qui les relient, mais pourquoi ils ont fermé la poste et le bistrot ? L'autre jour, j'entendais un monsieur de mon cul, ou de mes couilles qui me gratte, ou de n'importe quoi, dire dans mon transistor, arrogant, convaincu, sa mondialisation, ça crée des emplois. Ouais, putain, j'ai vu rouge, j'aurais voulu la voir, là juste en face de moi, pour lui demander où, pour lui demander quand, et répondre au connard. T'as vu qu'on embauchait, en tout cas pas chez nous. Peut-être qu'il parlait de ses enfants qu'on enchaîne, là-bas dans le tiers-monde, dans ces pays si tristes, qui bossent 12 heures par jour, pour $1 à peine, tandis que leurs frangines se vendent à nos touristes. Là, leur projet retour 2 siècles en arrière, et pas qu'au Bangladesh, tu parles jusqu'ici. Chacun pour soi, pour tous, de minables salaires, mais pourquoi ont fermé l'usine et la Syrie? Et comme ils parlent fort dans la rue, dans le journal, on finirait par croire au fond qu'ils ont raison. Les pauvres deviennent plus pauvres, déjà ça devient banal. Y a pas un autre chemin, je pose la question. Verrez bientôt, ça sera l'Amérique par là. D'un côté des ghettos bien crades et puis bien gros. Quelques prisons tout près pour ceux qui acceptent pas. Puis un tout petit quartier de riches gardé par des Rambo. L'or me dit plus que demain, on va raser gratis. On nous l'a déjà fait, le coup de l'avenir radieux. Et des lendemains qui chantent au bon vieux temps jadis. Plaque aujourd'hui, ça s'annonce pas mieux. Non, je ne déconne pas, regardez rien que chez nous. Dans ce petit bled qui était blanc, suisse, quoi, normal. Tout devient tellement privé qu'on sera privé de tout. La preuve, ils vont fermer la gare et l'hôpital. Ça fait pas mal d'hier qu'on attendait demain. On reprend donc l'émission. C'est avec Michel Muller qu'on a commencé sur mondialisation. Alors pour vous redire franchement qui c'était, c'était Michel Muller avec mondialisation. Tout ah ben voilà, d'accord. Merci Stéphane. Donc c'est à René La Science de nous parler de l'actualité d'attaque. Eh bien oui. Alors au plan national, le samedi 18 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, nouveau boycott d'Unilever à l'appel des salariés de Fralib, qui fait suite à la journée d'action nationale du 7 décembre que j'avais évoquée au cours de notre dernière émission. Cette première journée d'action, dans laquelle se sont déjà investis plus d'une vingtaine de comités locaux d'attaque, a été bien suivie et bien accueillie par la population. Pour rappel, les salariés de Fralib proposent de reprendre le site de Gémenos dans les Bouches-du-Rhône sous forme de SCOP, suite à la décision d'Unilever de délocaliser en Pologne cette unité de conditionnement de thé et d'infusion. Le projet est reconnu économiquement viable, mais pour démarrer, il faudrait qu'Unilever cède la marque Éléphant au Fralib, ce que bien sûr elle refuse. N'hésitez pas également à soutenir les Fralib en boycottant les produits Unilever. Il faudra qu'on les ramène parce qu'ils sont nombreux, hein, les produits Unilever. Hein. Oui. Ensuite, la campagne en préparation. Ensemble, traquons les banques et les multinationales prédatrices, qu'on appelle aussi campagne anti-requin. Les banques et les multinationales se comportent de plus en plus comme de super prédateurs. Face à elles, les citoyens et citoyennes sont des proies sans défense. Pourtant, ensemble, nous pouvons remettre en cause leur pouvoir destructeur en portant atteinte à leur image de marque et à leurs intérêts. Cette opération de communication et d'action citoyenne inédite et de grande ampleur débutera le samedi 15 mars et se poursuivra tout au long de l'année. Elle a pour objectif de dévoiler les agissements de ces sociétés et de contrer leurs arguments à partir d'un kit anti-requin comprenant un livret d'explications, des autocollants, etc. Elle ciblera dans un premier temps deux banques, la Société Générale et BNP Paribas, et une multinationale, Unilever. Que des amis. Oui. La réalisation des kits anti-requins fait appel au financement participatif. Si vous souhaitez vous impliquer, vous pouvez vous rendre sur le site d'Attaque France ou directement sur le site http://www.lesrequins.org. www.mondial.org/schlass. Ensuite, les publications et communiqués. Alors, à propos de l'offensive libre-échangiste dont nous sommes victimes actuellement, les différents traités de libre-échange récemment adoptés ou en cours de négociation, dont le traité transatlantique dont nous allons parler, qui sera le thème de notre émission d'aujourd'hui, font l'objet de plusieurs publications et de communiqués d'attaque ou d'autres organisations membres du collectif, que l'on peut consulter sur le site d'Attaque France. La dernière, de Corporate Observatory, date du 6 janvier. Et Attaque France a publié une brochure d'une vingtaine de pages intitulée « Guide de navigation pour affronter le grand marché transatlantique ». Enfin, j'ai une bonne nouvelle, quand même, ça arrive, qui nous vient du Conseil constitutionnel et qui concerne les emprunts toxiques. C'est dans le projet de loi de finances de 2014. Le Conseil constitutionnel a rejeté la validation rétroactive et confirmé le remplacement du taux initial par le taux légal pour les emprunts toxiques dépourvus de taux effectif global, ce qu'on appelle le TEG. Bon, c'est un peu compliqué, mais il faut savoir que cette décision permettra aux collectivités locales et aux organismes publics de mener des actions en justice contre les banques, mais aussi aux citoyens de se substituer aux collectivités qui négligeraient de faire valoir leurs droits. C'est une première victoire pour la société civile, notamment les collectifs locaux d'audit citoyen. Ok, au plan local alors maintenant ? Alors une soirée débat pour sortir de la crise écologique et sociale, sobriété matérielle, égalité et démocratie. C'est à l'initiative des Amis du Monde Diplomatique et des comités locaux attaque de la métropole, avec pour intervenant Hervé Kempf. Ce sera le lundi 27 janvier à 20h à la Rose des Vents. C'est boulevard Van Gogh à Villeneuve-d'Ascq. L'entrée est libre dans la mesure des places disponibles. Venez nombreux. Ensuite, à propos des Roms hébergés à la Bourse du Travail, les syndicats ayant saisi le tribunal administratif de Lille pour atteinte au droit à l'hébergement, En date des 26 et 27 décembre, celui-ci a contraint la préfecture à proposer des places d'hébergement. La quasi-totalité des familles ayant accepté, elles ont été relogées la semaine dernière dans plusieurs hôtels de la région. Pour rappel, les syndicats ont hébergé les Roms expulsés et en situation de détresse plus de 70 jours à la Bourse du Travail, et comme l'a dit un responsable syndical, on a remis quelques gouttes de droit dans un océan de brutalité. Je devine qui. Oui, je vous laisse deviner. Toutefois, cette solution n'est pas satisfaisante, notamment pour Solidaire, qui préconisait des solutions durables et moins coûteuses d'hébergement, et regrette que le travail de scolarisation engagé auprès des enfants soit interrompu. Il reste également à trouver une solution pour quelques personnes non concernées par la décision du tribunal administratif. Ok, alors le collectif O... Oui, pardon. Et enfin, le collectif O... Alors actuellement, nous finalisons la lettre questionnaire destinée aux candidats, tête de liste des prochaines élections municipales. Elle sera adressée aux villes principales de la métropole, auxquelles pourront s'ajouter les municipalités où le collectif est bien implanté. Elle comporte un rappel de la situation de l'eau en métropole et une série de questions portant sur la production et la distribution de l'eau, la tarification, la gestion, la transparence et la participation de l'usager. Un compte-rendu des réponses sera effectué et diffusé au public. J'ajoute pour les actualités d'attaque, nous participons au collectif transport, transport gratuit évidemment. Un certain nombre de distributions de tracts auront lieu dans des lieux particulièrement sensibles. Je ne dirai pas la date ni où, mais disons que c'est à Roubaix, à Lille et à LM. Les militants militent le dimanche et le samedi. Voilà, nous allons passer à notre thème du jour avec Jean Gadret. Benjamin ou René, qui ouvre le feu, si j'ose dire. C'est René. Eh bien oui, nous allons parler maintenant de cet accord de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, Ce traité transatlantique, qui a d'ailleurs diverses appellations, un peu barbares parfois, PTCI, TAFTA, etc., et dont on parle très peu dans les médias. Pourtant, il pourrait bien bouleverser notre vie quotidienne à un point inconnu jusqu'alors. Et pour reprendre les termes du monde diplomatique, c'est un typhon qui menace les Européens. Donc j'ai une première question. Quelle est l'origine de ce projet? Dans quel contexte a-t-il vu le jour? Qui le défend? Et où en sont les négociations actuellement? Oui, alors en effet, c'est un typhon, une bombe à retardement, mais on verra pourquoi. Dont les appellations sont multiples. Bon, moi, je me contenterai de parler de grand marché transatlantique pour le désigner. C'est un projet, pour l'instant, d'accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Les 27 États membres ont donné mandat à la Commission européenne pour mener les négociations en juin dernier. Et je cite ce mandat, « L'objectif est de réaliser le potentiel inexploité d'un véritable marché transatlantique générant de nouvelles opportunités économiques pour la création d'emplois et la croissance grâce à un accès accru au marché et une plus grande compatibilité de la réglementation et des normes. » Voilà. Alors, c'est extrêmement ambitieux. Ça n'est pas un simple accord de libre-échange au sens douanier du terme, mais c'est un véritable marché commun au même sens que le marché commun au sein de l'Union européenne. Les négociations ont commencé depuis plusieurs mois dans le plus grand secret. On reviendra sur ce secret. Et l'objectif est de négocier pendant au moins un an, de conclure un accord en 2015. Donc nous allons encore en parler. Mais il y a déjà de quoi critiquer. Et voici trois éléments du contexte de ce projet. Premier élément, d'autres projets ou accords de ce type ont existé ou sont en route. Je ne sais pas si c'est un des négociateurs qui cherche à m'appeler, là, mais je pense qu'il vient de couper son téléphone. Mais il y a eu beaucoup d'échecs et très peu d'accords ont été signés. Dans la période récente, un accord a été conclu entre le Canada et l'Union européenne qui ressemble beaucoup au projet, mais en réalité, pour l'instant, il n'a pas encore été validé par le Parlement européen, par les États, et j'espère bien qu'il ne le sera pas. Parmi les échecs notoires, il y a eu celui de l'AMI, accord multilatéral sur l'investissement. En 1998. Voilà, en 1998. Mais oui, René. Oui, justement, à ce sujet, on a l'impression que nos décideurs nous représentent toujours les mêmes recettes, avec toujours pour prétexte de relancer la croissance et l'emploi, mais visiblement, ça ne marche pas. Et depuis une bonne trentaine d'années, d'ailleurs, la croissance au niveau mondial s'étiole. Alors, comment se fait-il qu'ils y croient encore? Je pense qu'en réalité, ils ne croient pas nécessairement que ça fera beaucoup de croissance et beaucoup d'emplois et que derrière tous ces projets se trouvent les exigences de profit des multinationales. Mais je reviendrai sur ces aspects de mensonges à propos de la croissance et de l'emploi. D'accord. Un autre exemple d'échec est celui de l'ACTA, qui s'appelait Accord commercial anti-contrefaçon, qui a été refusé par le Parlement européen à une immense majorité en 2012, à la suite d'une très forte mobilisation, en particulier des internautes. Bon, cela dit, il y a quand même quelques succès, entre guillemets, du libre-échangisme, mais le plus important depuis 20 ans est sans doute l'ALENA, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, et j'en dirai deux mots. Deuxième élément de contexte, un vrai déséquilibre entre les États-Unis et l'Union européenne. En pointe de ce projet se trouvent les dirigeants américains et leurs multinationales. Ce sont eux qui font la plus forte pression, mais d'une certaine façon, on peut dire que la Commission européenne et les lobbies des multinationales européennes sont également tout à fait partants pour ce type d'accord, parce qu'il y a de larges espoirs pour elles de profit et d'expansion. Le déséquilibre, oui, René. Et il y a aussi l'influence des juristes, j'y reviendrai. Avocats d'affaires. J'y reviendrai. Mais je vais essayer de tenir le fil de mon discours, et en particulier le déséquilibre qui fait penser que l'Union européenne sera encore plus perdante, que les peuples européens seront encore plus perdants. Parce que les États-Unis ont une vraie politique étrangère. Ils ont une politique militaire. Ils ont une politique monétaire. Ce qui n'est pas le cas de l'Union européenne. Ils déversent des subventions Alors, champion industriel, à la grande agriculture, etc., ce qui est interdit en Europe par le traité de Lisbonne. On est donc dans une situation extrêmement déséquilibrée. Et puis, le dernier élément de contexte, il est juridique, et tu y as fait allusion à l'instant. Les multinationales ne supportent plus que lorsqu'elles ont des différends avec les États ou avec les groupes d'États, ce soit le droit des États ou le droit de l'Union qui l'emporte avec des juridictions plus ou moins démocratiques malgré tout. Et donc, ce qu'elles visent, on aura l'occasion de critiquer ce point aussi, c'est que ce soit des juridictions à leur botte, à leur service, qui règlent les différends. Voilà, les éléments de contexte, c'est au fond un lobbying intense de ce que j'appellerais le capital financier transatlantique aujourd'hui. Oui. Et donc, quelles sont les dispositions, enfin, les principales dispositions, le contenu de ce traité, au plan alors commercial, au plan justement ce qu'il va changer au niveau des droits de douane et surtout des réglementations et normes européennes. Quel est le danger surtout et quelles seront les victimes? Oui. Alors, en effet, il y a en effet un aspect commercial et un aspect lié à l'investissement, en plus de l'aspect juridique lié à la contestation et aux différends. Alors, l'aspect commercial n'est sans doute pas le plus important, mais dans certains secteurs, il est tout à fait fondamental. L'aspect commercial, c'est au fond l'abaissement des droits de douane pour les produits qui entrent aux États-Unis ou dans l'Union européenne. Et dans l'état actuel des choses, en moyenne, ces droits de douane sont assez faibles, bien qu'un peu plus importants en Europe. En réalité, cette moyenne cache des différences considérables. Et par exemple, pour l'agriculture, il s'agirait d'un véritable séisme. Les droits de douane en Europe sont nettement plus élevés qu'aux États-Unis dans des secteurs tout à fait essentiels à l'agriculture européenne. Viande, produits laitiers, sucre, etc. Et donc, on est dans une situation où les multinationales exercent une pression considérable pour faire baisser les droits de douane qui conduirait l'agriculture européenne, comme ça s'est produit au Mexique avec l'ALENA, à perdre des centaines de milliers d'emplois. Le deuxième aspect commercial des choses concerne les marchés publics, les services publics. Je cite, « L'accord visera à améliorer l'accès mutuel aux marchés publics à tous les niveaux administratifs, national, régional, local et dans les domaines des services publics. » Ça veut dire que beaucoup de prestataires de services locaux, des associations, des services publics locaux, dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, l'eau dont on a parlé tout à l'heure, de la restauration scolaire, de la santé, des transports, de l'aide à domicile, etc., seront impactés et seront soumis à une concurrence accrue pouvant provenir de multinationales américaines. Mais ça va beaucoup plus loin. L'enseignement et la santé sont visés également, parce que ce sont de grands marchés à étendre pour ces multinationales. Et aux États-Unis, on sait que connaît la puissance des hôpitaux privés ou de l'enseignement privé. Et même la protection sociale est visée. C'est un énorme marché potentiel pour les assureurs, pour les fonds de pension qui veulent prendre des parts de marché à la Sécu, pour dire les choses brutalement. Et puis le dernier point concernant le commerce, mais aussi un peu l'investissement, c'est les normes. Les normes du commerce sont en réalité tout à fait essentielles. Au fond, les normes qui existent, les normes économiques du commerce qui existe dans une collectivité vise à protéger des droits, pour l'essentiel, vise à protéger des biens communs, sanitaires, écologiques, économiques, sociaux, etc. Or, dans l'état actuel des choses, elles sont, dans la plupart des cas, très inférieures aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays qui n'a pas signé le protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique, qui ne signe pas la plupart des conventions de l'Organisation internationale du travail, qui ne signe pas la convention sur la biodiversité, qui ne signe pas les conventions de l'UNESCO sur la culture, contrairement à l'Union européenne. Et donc, une sorte de marché commun libéralisé avec eux tirerait toutes ces normes vers le bas. Juste un exemple très concret. Les industriels américaines considèrent que nous avons, dans l'Union européenne, des normes phytosanitaires qui sont des obstacles pour elles, à leur expansion. Et donc, leur objectif est très clairement de balayer les dispositifs européens qui, pour l'instant, interdisent, dans certains pays en tout cas, les cultures d'OGM, le bœuf aux hormones ou les poulets lavés au chlore. Voilà des exemples de dangers très concrets. Mmh. Mais on a également un impact sur l'investissement et sur la finance dans cet accord transatlantique. Est-ce que vous pouvez l'évoquer? Voilà, et c'est sans doute encore plus important, en effet, que tout ce qui concerne le commerce, même si ce que je viens de dire n'est pas négligeable. Parce que, je cite, hein, « En matière d'investissement, le projet vise le plus haut niveau de libéralisation existant dans les accords de libre-échange. » Et je cite encore, « Il faut une libéralisation totale des paiements courants et des mouvements de capitaux. » Donc ça signifie ça que aucune leçon n'a été tirée de la crise, qui est liée justement à la libéralisation excessive de la finance et des mouvements de capitaux. Exemple de conséquences. Conséquences sur le droit du travail et la protection sociale. J'ai cité tout à l'heure l'accord de libre-échange nord-américain, l'ALENA. Eh bien, les salariés des États-Unis ont subi les effets de l'ALENA. Et ce ne sont pas les salaires et les conditions de vie des salariés américains qui ont été tirés vers le haut. Ce sont ceux des salariés des salariés mexicains qui ont été tirés vers le haut. Ce sont les salaires et les conditions de vie des salariés américains qui ont été tirés vers le bas, avec des millions d'emplois supprimés dans les deux cas. Deuxième exemple, et les associations écologiques sont très en pointe contre la plupart d'entre elles, contre ce projet, l'environnement. On peut dire qu'avec ce projet, on pourrait dire adieu à la transition. Non seulement parce que l'expansion des échanges internationaux du trafic aérien et maritime entre l'Europe et les États-Unis va provoquer une nouvelle explosion des gaz à effet de serre, mais surtout parce que cet accord sera une incitation au pire productivisme au détriment de la qualité écologique et sociale des productions. Les normes de construction sont nettement inférieures aux États-Unis à celles qui existent en Europe. Les limitations de la pollution automobile sont inférieures. Les gaz de schiste sont exploités aux États-Unis. Pour l'instant, ils ne le sont pas en France, etc. Voilà donc toute une série de conséquences très concrètes. Et la libéralisation des investissements ne pourrait qu'aggraver les choses. Entendu, on va faire une pause musicale avant d'attaquer la deuxième partie. J'ai glissé, chef. À chacun de nos souffles, au moindre murmure des bas-fonds, c'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que l'on pavait de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. C'est un pincement de lèvres et la peur qui perle d'un front. La faune et la flore à cran en rayon. Et l'éclat de nos palpitants dans l'ombre du marteau pilon. À tout moment la rue peut aussi dire non. La rue peut aussi dire non. Non comme un oui aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie quand la nuit remue, aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves. Et quand le peuple rêve, à tout moment la rue peut aussi dire. Quelques points noirs en col blanc poivre nos yeux, dont les occultes en tube longs et creux. À bien compter, le monde éthique se voit plus nombreux que ces 300 familles qui sur la rue ont pignon. À tout moment, elle peut aussi dire non. Comment oui, aux arbres chevelus, à tout ce qui nous lie. Quand la nuit remue aux astres et aux déesses qui peuplent nos rêves, et quand le peuple rêve, il aime. souffle au moindre murmure des bas-fonds. C'est dans l'air comme un chant qui s'étrangle, que l'on pavé de fortune contre le tintamarre du pognon. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. À tout moment la rue peut aussi dire non. Vous êtes sur Radio Campus, on vient d'écouter Eiffel à tout moment. La rue peut aussi dire non, il vient de le répéter à l'instant. Je t'en prie. Merci Stéphane. C'est Benjamin qui poste la deuxième série de questions. Alors nous reprenons l'entretien sur l'accord transatlantique USA-UE avec Jean Gadret. Pouvez-vous nous expliquer comment s'effectuera le règlement des différends entre les firmes multinationales et les États et quels en sont les enjeux ? Voilà, alors ça c'est peut-être le point le plus dur et celui qui sera le plus contesté, y compris par des gens qui sont généralement plutôt libre-échangistes, mais là qui commencent à tiquer. Parce que ce projet autoriserait des compagnies américaines investissant en Europe, mais l'inverse serait vrai aussi, à contourner les cours de justice européennes ou les tribunaux nationaux pour attaquer directement soit l'Union européenne, soit les États, devant, alors non pas un tribunal plus ou moins démocratique, plus ou moins légitime, mais devant un tribunal ad hoc, composé à leur service, plus ou moins à leur botte. On a des exemples dans certains accords existants de panels de 3 membres issus d'un club d'avocats privés, hein, ce sur quoi René avait attiré l'attention, se prononçant sur des enjeux tout à fait considérables. Dès lors que ces multinationales estimeraient que les lois nationales ou européennes réduirait leurs profits ou ne serait pas conforme au libre-échange tel qu'elle le définissent. On est dans une situation... Alors cela existe déjà dans le cadre de certains accords existants à l'échelle mondiale et on connaît aujourd'hui plusieurs centaines de règlements, de différends qui sont actuellement en cours de jugement par des instances. Oui, René. C'est même, pour la seule année 2012, il y a 58 conflits connus. Voilà. Plus de 500, si j'ai bonne mémoire, et d'après la CNUSED. Depuis 1995, voilà, on en est à 514 conflits entre multinationales et États. C'est vraiment renier la science. Merci beaucoup pour cette précision, mais que je confirme. Hein. Donc on est dans une situation où l'adoption de tels dispositifs de règlement des différents investisseurs-États permettrait par exemple aux pétroliers américains d'assigner l'État français devant une commission ad hoc à leur service en contestant la loi actuelle d'interdiction de la fracture hydraulique en France et d'obtenir des dommages et intérêts payés par le contribuable français à pour des montants tout à fait considérables. On a des exemples de différends actuels entre une société américaine et l'État du Canada. Hein, René La Science va tout de suite nous dire de qui il s'agit. Lone Pine. Voilà. Il y a aussi, je crois, Chevron et l'Équateur. Voilà, exactement. Et il y en a des dizaines d'autres. S'agissant de la société américaine attaquant le Canada, elle réclame pas moins de 250 millions de dollars, tout simplement parce qu'au Canada, il y a eu un moratoire sur les gaz de schiste au Québec et que cette société considère que ça n'est pas conforme à sa conception du libre-échange. Donc ce sont, au-delà de ces exemples, tous nos dispositifs de protection de l'environnement ou nos dispositifs sociaux qui pourraient être contestés par des industriels comme étant des entraves au libre-échange. Et le député écologiste bien connu José Bové reconnaît parfaitement ceci. Il est hostile à ce type d'accord. Je le cite, « Les multinationales veulent avoir la possibilité d'attaquer les lois prises par les États qui réduiraient la profitabilité de leurs actions. » Avec un tel accord, c'est la loi sur la fracturation hydraulique qui sera attaquée et les moratoires sur les OGM qui seront traînés en justice. Voilà pour ce qui est de cette partie. Donc on a un avantage clair et net pour les grandes firmes multinationales, notamment les firmes américaines, qui va de pair avec un nivellement vers le bas des normes sociales, sanitaires, environnementales. Absolument. tout bénef. Et concernant cet accord qui serait passé entre la Commission européenne et les États-Unis, pourquoi tant de secrets autour de cet accord et quels enjeux pour la démocratie ? Oui, alors, il y a à la fois du secret, alors ça, c'est même assez ahurissant, enfin, il faut le savoir, et puis des mensonges. Et ça va de pair. Les mensonges portent sur la chose suivante. Les partisans de cet accord nous disent qu'il va y avoir d'énormes avantages sur le plan économique, sur le plan des créations d'emplois. Et le commissaire européen en charge des négociations dit qu'on peut s'attendre dans les années qui viennent à une croissance d'au moins 1% du produit intérieur brut, à des centaines de milliers d'emplois qui seraient créés en Europe. Oui, je veux dire, 1% c'est quand même modeste par rapport au... Enfin, une augmente, Oui, c'est modeste, mais c'est déjà largement surestimé. Voilà, en plus, c'est ça que je veux dire. Parce que d'autres études, y compris certaines d'entre elles, qui ont été financées par la Commission européenne ou d'autres études indépendantes, disent au mieux 0,1% sur 10 ans. C'est-à-dire tout à fait négligeable. Et en ce qui me concerne, j'ai de bonnes raisons de penser que le plus probable est que cet accord détruirait plus d'emplois qu'il n'en créerait en Europe ou en France. Et un des arguments que je peux mettre à l'appui de cette affirmation, c'est qu'on a l'exemple de l'ALENA. L'ALENA a été défendu au début des années 90, d'abord par le président Bush père, et puis ensuite par Bill Clinton lui-même, mm-hmm. en disant qu'il allait créer des millions d'emplois aux États-Unis. Le chiffre de 20 millions d'emplois était même avancé. Or, on a du recul. Et on a des études indépendantes qui ont été faites, en particulier l'une par l'Economic Policy Institute, qui est un instrument une équipe extrêmement sérieuse d'économistes, montrant que le nombre d'emplois créés aux États-Unis via l'augmentation des exportations, et effectivement il y a eu des emplois créés, ne compense pas les pertes d'emplois, qu'il y ait plus d'emplois perdus que d'emplois créés, pertes d'emplois liées à l'exacerbation de la concurrence et à l'importation de produits étrangers. Selon cet institut, au fond, au total, il y aurait eu 1 million d'emplois nets supprimés aux États-Unis. Je ne parle pas du cas du Mexique. S'agissant du Mexique, d'ailleurs, je recommande très vivement, vous pouvez le trouver en ligne sur le blog de Marie-Monique Robin, ah oui, le documentaire, une trentaine de minutes, qui s'appelle « Les déportés du libre-échange » et qui porte très exactement sur les conséquences de l'ALENA au Mexique et aux États-Unis. C'est tout à fait remarquable. Et là, d'ailleurs, on peut dire que ça détruit la petite agriculture mexicaine. Ça détruit des millions d'emplois et conduit à l'émigration de petits paysans qui ne pouvaient plus vivre et qui sont devenus des sous-salariés de l'agriculture états-unienne. Mmh. On est donc là dans un vrai mensonge en ce qui concerne l'emploi et la croissance. Et maintenant, s'agissant du secret, c'est encore pire. C'est encore pire. Les négociateurs américains en particulier, mais la Commission européenne, finalement, va dans le même sens, veut à tout prix éviter ce qui s'est produit avec l'ACTA et l'accord anti-contrefaçon ou avec l'AMI, l'accord multilatéral sur l'investissement, parce que ça a été une vraie débâcle dès lors que le public a connu le contenu de cet accord. Et donc, des pressions énormes se font jour, pour l'instant... avec succès, pour que rien ne filtre. Alors, on dispose fort heureusement de fuites, mais on en est à un point où les députés européens, où les États européens n'ont pas accès au contenu actuel des négociations qui les concernent pourtant directement. Je vais vous donner une anecdote, elle est quand même assez croustillante. La Commission en est à un point où elle a envisagé que peut-être les fonctionnaires des États membres pourraient consulter ces documents dans une salle de lecture spéciale, supervisée par un garde de sécurité, sans copier les documents, sans faire de copie papier des fichiers. Et même ça, pour l'instant, n'est pas autorisé. Donc c'est fabuleux comme atteinte à la démocratie. Ça me rappelle le 20e congrès du Parti communiste. Oui, exactement. Ou un certain nombre de pratiques. Mais en même temps... C'est d'une certaine façon rassurant pour nous parce que ces gens-là savent que si la démocratie s'en mêle, leur projet a toute chance de s'effondrer. On a eu quand même des ébauches de projets qui ont été diffusés sur Internet, il me semble. Oui, ce sont des fuites. Dans tous les cas, se concède ce projet, y compris d'ailleurs le contenu même du projet d'accord, du mandat donné à la Commission. La Commission a refusé de dévoiler le mandat qui lui avait été confié par les 27 États européens. Il a fallu que des fuites s'en mêlent. Tout au plus, je crois qu'elle diffuse quand même des informations, mais c'est des informations secondaires ou anodines. Voilà, l'essentiel... Pour donner le change un peu. Pour l'instant, c'est ça. Simplement, mon pari, c'est que ça ne sera pas tenable et que dans les mois qui viennent, les pressions, y compris de certains États européens qui ne supportent plus cette situation, les pressions seront telles que Dracula va s'évanouir. Vous savez, Dracula, c'est cette image. Dès qu'on le met à la lumière, il meurt. Mais si la France met son veto, le projet ne passe pas, par exemple? Il suffit qu'un État mette son veto, soit en cours de négociation, soit à la fin, pour que le projet ne passe pas. Mais j'espère qu'il sera stoppé même avant. Mais c'est ce qui s'était passé pour l'AMI. Et là, c'était la France qui avait mis son veto. Oui, la France avait suffi à interdire l'AMI à l'époque. Les pressions de la société civile avaient été fortes et Lionel Jospin avait, je vais dire, cédé devant ces pressions. Mais là, les politiques français sont davantage attachés à l'exception culturelle qu'ils essayent de faire passer dans le cadre de cet accord. Alors, l'exception culturelle est en effet un peu l'arbre qui cache la forêt. Ils ont clamé, nous avons obtenu que l'exception culturelle ne soit pas considérée dans ce projet d'accord. En réalité, le commissaire européen lui-même dit, dans l'état actuel, on accepte la demande française, mais au cours des négociations, on verra bien comment ça va se produire. Donc, ce n'est pas une garantie absolue. Et d'autre part, l'exception culturelle, c'est très important, en effet, mais c'est... Je ne peux pas très le quantifier, mais c'est 5% peut-être des conséquences économiques, sociales, écologiques de l'ensemble de ce projet. Donc, ne nous arrêtons pas à cette exception. Et en dehors de cette exception culturelle, justement, quel est l'état des forces des opposants, que ce soit aux États-Unis, en Europe? Oui, il y a attaque déjà. Il y en a beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui risque de se passer, au fond, et compte tenu des oppositions qui commencent, et on comprend qu'elles ne fassent que commencer, puisque le projet est pour l'instant très peu connu et secret. Oui. Oui. Contrairement à ce qui s'est passé au moment du référendum, du projet de référendum sur le traité constitutionnel européen, où là, nous avions un texte sur lequel on pouvait organiser des débats contradictoires, se prononcer, faire des critiques, etc. Là, on se fonde sur des fuites. Alors ces fuites nous donnent quand même le projet de mandat. On a des informations qui sont relativement fiables, mais on n'a pas de texte sur lequel se prononcer. Qu'est-ce qui risque de se passer? À mon avis, il y a de l'espoir. Sur ce coup, il y a autant d'espoir qu'avec l'AMI ou l'ACTA. Au fond, on est dans une situation où les syndicats sont largement hostiles en Europe, mais également aux États-Unis, où l'AFL-CIO dit en particulier ce processus, ce projet de règlement des différends est inacceptable. On est dans une situation où les associations écolo sont très largement contre. On est dans une situation où certains États en Europe ne veulent pas du système de règlement des différends, au moins. On a des réseaux organisés de consommateurs transatlantiques qui se prononcent contre. Des militants du net, des droits numériques, environnementaux, de la santé, qui se prononcent, et même aux États-Unis, des oppositions très vives. Un certain nombre de législateurs des 50 États européens, états-uniens se sont réunis et annoncé, je cite, qu'elles ne soutiendraient pas un accord qui comporterait une clause portant sur les différends entre États et investisseurs. Y compris des membres du Congrès. Compris des membres du Congrès. En France, le Sénat a débattu récemment de ce projet et les critiques ont été vives, de tous bords, avec des degrés, évidemment. D'une certaine façon, le gouvernement français, la représentante du gouvernement français, la ministre du Commerce extérieur, Nicole Bricq, était très isolée dans ce débat. Donc voilà, moi je pense que ça ne fait que commencer, qu'il est important de s'informer sur l'ensemble de ce projet, que les prochaines élections européennes vont être l'occasion de poser la question aux candidats, aux partis, que l'effet Dracula a de bonnes chances de jouer et que, en tout cas, Attac et beaucoup d'autres vont tout faire pour cela. Eh bien voilà, c'est pas toujours qu'on finit sur une note optimiste. Merci Jean. Merci, il est quand aussi. Même très intéressant de voir qu'effectivement, c'est des fuites qui nous permettent d'avoir un peu d'informations. Et je crois qu'il y a encore des enjeux de démocratie énormes à avoir pour les années qui viennent. Bref, nous, à ATTAC, nous avons du boulot. Et tu l'as dit, on n'est pas les seuls. Ce n'est que tant mieux. Bien, on va passer à un autre thème de l'heure, c'est-à-dire on va parler de lecture. Eh ben c'est moi qui continue en plus. Voilà. On va parler d'un livre de Dominique Méda que Jean et Nicole Gadret connaissent bien. C'est vrai. Tu nous dis un mot ou je... Oui, bah, juste un mot. Alors, le livre, c'est La mystique de la croissance. Voilà, La mystique de la croissance. Donc Dominique Méda est en effet une amie. Et ça fait des années que nous essayons de réfléchir ensemble aux limites de la croissance. Et peut-être encore plus, dans la période récente, à la façon de penser une trajectoire post-croissance, aller au-delà de la croissance d'une façon désirable, d'une façon souhaitable, pas d'une façon punitive, pas en privant les gens, pas en se serrant la ceinture. Et donc ce que fait Dominique Méda dans ce livre dont Christian va nous parler, c'est justement non seulement de procéder à cet examen critique des raisons pour lesquelles, au fond, nous sommes en train, avec la croissance, de poursuivre un objectif qui n'est plus tenable, mais des façons que l'on pourrait avoir de définir ensemble une autre trajectoire, un autre modèle qui n'aurait plus besoin de suivre le toujours plus, mais qui viserait plutôt le toujours mieux. Voilà, merci Jean, tu vas nous quitter. Merci. Bon, donc je passe à la lecture de Mystique de la croissance. Comment s'en libérer ? C'est paru chez Flammarion. Ça coûte 17 euros pour 276 pages. Bien, Dominique Méda, un mot quand même, c'est une philosophe venue à la sociologie qui écrit beaucoup. Elle écrit sur le travail, elle écrit sur les indicateurs de richesse. On a retrouvé des acquaintances avec Jean. Et maintenant, donc, sur comment s'en sortir de cette mystique de la croissance. Voilà, un bouquin qui est en trois parties, « Comprendre ». Première partie, changer. Deuxième partie, mettre en œuvre. Troisième partie, un schéma tout à fait simple qui augure bien d'une démarche pédagogique, et c'est le cas. Comprendre, c'est comprendre comment et pourquoi, on vient de le dire assez largement, pourquoi notre société continue de courir après la croissance, même en scooter. Écoutez, le président de la République, on l'a entendu avec ses voeux et puis sa dernière conférence de presse. On ne comprend pas bien comment les politiques aujourd'hui sont toujours à parler de croissance et de penser que la croissance permettra de créer des emplois. On a fait une démonstration avec Jean tout à fait contraire à ça aujourd'hui. Eh bien oui, il faut parler, il faut dire les mots comme ils le sont. Au point où en sont nos politiques, Dominique Méda a raison de parler de mystique. On est bien dans une croyance quasi religieuse, dogmatisée avec son totem, le PIB, et qui n'est jamais qu'un indicateur d'augmentation de la valeur ajoutée et rien d'autre. Il faut comprendre aussi, et surtout, c'est ce que nous dit Méda, dans quel état est la planète. Elle nous fournit un tas de références utiles et quelquefois anxiogènes. Elle cite le GIEC, bien sûr, avec son rapport de septembre dernier, et puis d'autres groupes d'experts. Un groupe qui dit précisément les choses suivantes. Les humains dominent la Terre et la modifient selon des modalités qui menacent sa capacité à nous supporter, nous et les autres espèces. On le sait, la biodiversité est compromise, mais qui réagit ? C'est la deuxième partie, c'est changer. Changer, Méda nous dit qu'il faut changer. Il faut changer d'indicateur. Bon, d'accord, il faut changer d'indicateur. Mais je crois qu'il faut surtout changer notre regard, c'est ce qu'elle dit, sur la nature, et surtout s'opposer à ceux qui pensent que la nature, comme une réserve d'utilité qu'on peut évaluer en dollars. Rigolez pas, il y en a qui l'ont fait. Il paraît que la nature coûterait entre 18 000 et 50 000 milliards ou 54 000 milliards de dollars. Et c'est des chiffres anciens. Avec l'augmentation, ça doit être beaucoup plus. C'est l'incroyable anthropocentrisme de l'homme qui veut tout voir à son échelle. comprenez, en fric. Et évidemment, il faut se poser la question de savoir comment on peut échapper à l'anthropocentrisme, au fait que l'homme est le milieu de l'univers. C'est pas récent, hein, cette histoire, ça nous vient quand même de la Bible. Hein, petite remarque en passant. Oui, mais l'homme est-il un élément de la nature comme les autres? Au lieu d'anthropocentrisme, on devrait parler de biocentrisme. Est-ce que ça, c'est pas non plus très simple? Mais cette réflexion amène notre auteur à se poser autrement la question des valeurs. Quelles valeurs, autres qu'économiques, devons-nous reconnaître à la nature? Voilà le véritable enjeu. Et quelles valeurs, restons autres qu'économiques, allons-nous laisser à ceux qui vont nous succéder sur cette planète? Voilà les vraies questions que pose Dominique Méda. Et troisième partie, donc, après comprendre, changer, il s'agit de mettre en œuvre. Ah, c'est clair, il va falloir s'attaquer aux multinationales. Et on vient d'avoir avec Jean Gadret un exemple. C'est pas simple du tout. Et force de reconnaître, d'ailleurs, que seule la puissance publique pourra mener cette transition écologique qu'on attend et qu'on souhaite, en tout cas nous, à attaque. On ne va plus pouvoir nous faire le coup du marché pour retrouver un équilibre quelconque, et encore moins écologique, CQFD. Il faudra penser à des investissements à taux zéro, il va falloir penser à des transferts de technologies importants, en particulier des producteurs de gaz à effet de serre vers les victimes de gaz à effet de serre, enfin en clair, des pays riches qui polluent les pays pauvres. Il faut aussi, et c'est intéressant cet aspect des choses vu par Dominique Méda, il faut aussi une science beaucoup plus interdisciplinaire, beaucoup plus engagée vers la citoyenneté, acceptant d'ailleurs d'être interpellée par les citoyens. Mettre en œuvre, c'est aussi concilier résolution de la question écologique et résolution de la question sociale. C'est une affaire qui, effectivement, fait lutte commune ou écrit commun avec Jean Gadret et Dominique Méda. Les syndicats européens portent ce combat, c'est déjà ça. Et puis, il faut redonner du sens au travail. Est-il possible, demande Dominique Méda, d'évaluer l'acte productif à l'aune de sa capacité à économiser et à mieux prendre soin des ressources humaines et non humaines, j'insiste, qu'il utilise dans la manière à comptabiliser ses gains de qualité que Gadret considère comme objectif prioritaire. On retrouve encore une fois Gadret avec Dominique Méda. Sobriété en consommation intermédiaire et qualité, ça change de pillage de la nature, productivité et rentabilité. Si vous avez compris que la mystique de la croissance, comment s'en libérer, est un ouvrage de référence, j'aurais réussi cette chronique. 17 euros chez Flammarion et qu'on trouve rue de Valmy, par exemple, à Lille. J'avais coupé mon morceau, j'avais coupé mon micro. Tu parles. Non, on va passer. Un petit morceau de musique, mais très court. Très court. Mets la gomme. Quand je la vois passer, mon cœur se ramollit, mes nerfs entrelacés se tendent. Je souffre violemment, mais ne me parlez point d'arracher cette dent, je bande. Je n'ai qu'à la regarder quand sa lèvre est mouillée, rire de ses yeux verts amande. Noter ses commissions, réfléchir au plafond en suçant son crayon. Je bande mon corps de supplicié, la suis chez l'épicier, et quand elle passe sa commande, elle dit d'un ton lascif, il me faut de la lessive pour mon petit calcif. Je bande, je la suis à la messe, fascinée par ses tresses, ensoleillée pendant l'offrande. À genoux elle prie Dieu, si joliment cambrée, qu'en plein miséréré, je bande. Le regard astiqué comme un gazon anglais, quand la belle perçue friande. Le douloureux émoi qu'elle provoquait chez moi, elle disait donc pour moi que tu bandes. Et la divine enfant m'accorda sur le champ son petit animal sauvage. Elle vint sur mes genoux, tel un ascenseur fou, pour subir les derniers outrages. Bien que désemparé par ces instincts si bas, guidé par mes coupables glandes. Hélas, monsieur le curé, rien qu'à vous confesser tous mes pauvres péchés, je bande. Mon fils, je vous avoue qu'il m'est très dur de vous, tant c'est de trop de réprimandes. Vous décrivez si bien l'objet de votre amour, que voilà qu'à mon tour, je bande. C'est un petit morceau de Pierre Perret, je crois qu'il l'a dit assez souvent. Oui. À toi, Florent. Oui, rendez-vous militant. Bonjour, oui. Donc en ce moment, la librairie Occupée l'Insoumise organise un cycle intitulé « Guerre à la guerre » en opposition au Forum international de la cybersécurité qui se tiendra à Lille les 21 et 22 janvier. Ce forum organisé par le Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, la Gendarmerie nationale Euratechnologie et la Compagnie européenne d'intelligence stratégique accueilleront policiers, militaires, industriels de l'armement à Lille Grand Palais pour un forum sur la cybersécurité. C'est un peu l'équivalent électronique des salons militaires du Bourget ou de Rossatory. Un rassemblement contre ce forum est organisé le mardi 21 janvier à 18h à Grand Place. Et en attendant, cet après-midi à 16h à l'Insoumise aura lieu une discussion sur le complexe militaro-informatique en mettant en avant les liens étroits entre l'État et l'industrie technologique. A noter aussi, au même endroit, la seconde partie de l'atelier informatique organisé par le collectif Plancton sur la confidentialité et l'anonymat le mercredi 29 janvier à 19h. Apportez vos clés USB. Une discussion sur « Que signifie s'engager aujourd'hui ?» est organisée par l'Université populaire et citoyenne, l'UPC, à la Baraka à Roubaix, le jeudi 23 janvier à 19h. Ça sera l'occasion de découvrir des parcours militants de personnes impliquées dans l'UPC et d'interroger ensemble le sens et les modalités concrètes de l'engagement. Projection du documentaire « La jungle étroite » demain dimanche à 19h au cinéma L'Univers, organisé par l'association En Zéro Capoto Gestion. Ce documentaire présente la fraternité ouvrière de Moucron, où Gilbert Cardon, ancien syndicaliste, a construit un jardin verger expérimental, une sorte de dédale vivrière et luxuriante qui bouleverse l'idée que l'on se fait du jardin et du verger. On y voit aussi l'immense collection de graines et les cours organisés gratuitement les premiers et seconds dimanches de chaque mois. L'association projette également le dimanche 9 février à 19h un autre documentaire, « Squat, la ville est à nous », sur le mouvement d'occupation des logements vides en Espagne. Également au cinéma L'Univers, dans le cadre « Un enfant si je veux, quand je veux, comme je veux », la Maison des femmes et le planning familial de Lille organise la diffusion de « L'arbre et le nid » à propos de la surmédicalisation de la grossesse et de l'accouchement. Le film interroge des médecins défendant l'accouchement dit naturel et suit des femmes qui s'apprêtent à vivre un accouchement à domicile, en maison de naissance ou à l'hôpital. Sur le même sujet du droit des femmes, un rassemblement est organisé cet après-midi en soutien aux femmes espagnoles victimes de la réforme anti-avortement du gouvernement Rajoy. Cette réforme annule la loi autorisant l'avortement sous couvert d'une nouvelle loi sur la protection de la vie et des droits des femmes enceintes. Et soutient ce mouvement, bien sûr. Elle restreint l'avortement à des cas très particuliers comme un grave danger encouru par la femme, le viol ou la malformation fœtale. Le rassemblement contre cette réforme a lieu devant l'Opéra de Lille tout à l'heure à 14h30. Merci, vous pouvez retrouver toutes ces dates et d'autres rendez-vous sur le site lille.demosphère.eu. Ok, encore un mot pour terminer. Pour compléter votre information sur l'émission d'aujourd'hui sur le traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, Raoul Marc Génard, bien connu à Attac, était l'invité ce matin de Ruth Stegassi dans l'émission Terre à Terre, c'est bien entendu sur France Culture. On peut enregistrer et réécouter pendant 3 ans Terre à Terre, de toute émission d'ailleurs de France Culture. Pour préparer l'émission de mars, je vois loin, en vue des élections, vous trouverez dans Le Monde diplomatique de janvier un article de dos. Deux invités, Damien Desage et David Guéranger, rendez-vous manqué de la gauche et de la politique locale. Et bien sûr, l'ouvrage dont nous avons fait une chronique, La politique confistée, c'est le nom de l'ouvrage, le titre de l'ouvrage qu'on a traité l'hiver dernier, je crois, sur un angle d'attaque. Donc voilà, on a encore des auteurs qui écrivent dans Le Monde diplomatique. Ce ne sont pas les premiers, j'espère que ce ne seront pas les derniers. La prochaine émission aura lieu le 15 février sur Radio Campus, évidemment, pour une mise à plat de la remise à plat de la fiscalité de Jean-Marc Ayrault, ci-devant Premier ministre. Notre invité au téléphone, on le souhaite, c'est Benjamin qui s'occupe de l'affaire, serait peut-être en tout cas Dominique Plion, qui est le président du conseil scientifique d'ATTAC. Donc voilà, le mois prochain, donc, le 15 février, ce sera sur la fiscalité. N'oubliez pas que notre émission peut être écoutée pendant 2 mois sur campuslille.com et éternellement sur notre blog attaquelilleover.blog.com. Et surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous d'après-demain, lundi 19h à la Bresse, 23 rue Gosselet, pour approfondir le sujet du jour, le traité transatlantique. En attendant, passez un bon week-end et à bientôt. Just a little